1969, David Temix voit le jour. Ses parents lui promettent un bel avenir, c'est raté. 2006, C'est du lourd voit le jour, c'est définitivement l'album de l'immaturité. Attention, C'est du lourd.